Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé. Mais je ne vais pas travestir la vérité. Je ne suis pas un gentil garçon. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi.